Podcast des loulous, épisode spécial oiseau. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Lou. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, épisode spécial oiseau, ça veut dire quoi ça? Alors, ça veut dire qu'on va parler des oiseaux aujourd'hui. Nous, on va parler des oiseaux? Oui. Nous tout seuls ou... On est trois là. Ouais, d'accord, mais il n'y a que nous trois qu'allons en parler? Oui. On n'a pas une interview spéciale hein, à présenter? Si. Qui est-ce qui nous a parlé des oiseaux? JB. JB, c'est qui JB? C'est un des potes de papa. Ah bon? Et il s'y connaît en oiseau, lui, JB? Il s'y connaît beaucoup. Ouais, ça a l'air, hein? Oh bah oui. Il vous a dit plein de choses intéressantes. Et vous, est-ce que vous commencez à vous y connaître en oiseau? Oui. Vous savez en reconnaître quelques-uns? Oui. Lesquels tu sais reconnaître, Ellie? Le rouge-gorge. Le rouge-gorge? La maison charbonnière. Et toi, Lou? Ben, c'est plus... Mais c'est plus... La mésange bleue. Non, mais... Je sais plus. Ah bon, bah tu sais plus. Alors, Ellie, laquelle? La mésange bleue. Et ceux-là, on les trouve partout? Des fois oui, des fois non. Ah bon? Dans notre jardin, on les trouve en tout cas. Ouais, on en trouve quelques-uns. Qui est-ce qui regarde les rouges-gorges par la fenêtre le matin? Stella, notre chatte. Et tu crois qu'elle les regarde pour écouter leur chant? Peut-être, je sais pas, moi. Ouais, tu crois que les... Elle les regarde. Tu crois que les chats, ils sont intéressés par les oiseaux pour écouter le chant des oiseaux? Non, c'est surtout pour les chasser. Pour les manger, je crois, ouais. Hein? Donc l'idée, c'est de bien fermer la fenêtre pour pas qu'elle puisse attraper le rouge-gorge. Oui. Il est mignon, le petit rouge-gorge qui chante le matin. Oui, moi je l'ai vu, il est à la dernière branche tout en haut d'un arbre. Et alors tu l'as vu, mais tu l'as vu de loin? Oui, on était dans notre maison quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas une technique pour les voir de près? Vas-y, dis. Les jumelles? Ah, les jumelles, alors, c'est pas pour les voir de près, mais on fait comme si on se rapprochait. Oui. Mais il n'y a pas un plan, là, en cours, quelque chose de prévu? Oui, en fait, on va faire un espèce d'igloo. Ouais. Et peut-être que pour faire le toit, on va assembler des feuilles et on va faire des trous au-dessus. D'accord. Au moins, ils nous verront pas, mais nous, on va regarder dans les petits trous du toit. Et comment on va faire pour qu'ils viennent sur le toit? On va mettre des graines à oiseaux. Ah, on va les appâter, on va les attirer avec un peu de nourriture. Ouais. Et puis on va les regarder au travers des trous qu'on fera dans la bâche ou dans les feuilles. Ouais. Bon, bah, on va voir si ça marche. Hein. Ouais, j'espère que ça marchera. Est-ce qu'on écoute JB? Oui. Ouais, c'est parti. Et voilà l'interview de JB. Ok, c'est parti. Salut JB! Salut JB! Salut les loulous, ça va? Ouais! Ouais! Alors pourquoi on l'appelle JB? Pour faire un podcast! Ouais, un podcast sur quoi? Sur les oiseaux! Alors on l'appelle d'abord parce que c'est un copain et en plus parce que lui il s'y connaît un peu oui. plus que nous en oiseaux. Ouais! Alors vous aviez des questions à lui poser? Oui! Ça va? Bah écoutez-moi, c'est la forme, hein, je profite justement du confinement, moi, je ne veux pas tout vous dévoiler maintenant, mais pour écouter un peu plus les oiseaux et essayer de les observer encore un peu plus qu'avant. Donc voilà, ça me fait plaisir que vous m'appeliez pour en parler. Tu voudrais être un oiseau? Alors, est-ce que je voudrais être un oiseau? Bah, c'est une très bonne question. Oui, alors sans doute comme beaucoup de gens, peut-être pour voler plus facilement et pouvoir le faire tout seul quand j'en ai envie. Après, oui, peut-être que si j'étais un oiseau, comme beaucoup, je pourrais les comprendre un peu plus. Savoir des fois pourquoi est-ce qu'ils me font rigoler quand je les observe, parce que je remarque qu'ils font des choses un petit peu drôles. Donc je me dis que si j'en étais un, si ça se trouve, je comprendrais bien mieux. Et voilà, oui, je peux dire que j'aimerais être un oiseau. Peut-être pas n'importe lequel, mais ça me plairait par exemple d'être un corbeau ou un héron. Voilà, c'est quelque chose qui me plairait. D'accord. Tu sais reconnaître les oiseaux, le son des oiseaux? Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir tous les reconnaître. Malheureusement, non. Je pense que je peux en reconnaître chez nous en France une bonne dizaine. Donc voilà, ça me permet quand je me balade en forêt, oui, d'en reconnaître quelques-uns que vous connaissez sans doute. On reconnaît facilement, par exemple, la pie, le coucou. Je reconnais bien les chouettes entre elles. Je vais reconnaître le jet, le pigeon, la tourterelle. Voilà, les mésanges, les moineaux. Et ça me permet, c'est rigolo, puisque quand je vais me promener en forêt et que j'en entends un chanter autour de moi, je me dis, tiens, il y a par exemple un jet des chênes pas très loin. Et voilà, ça me permet de mieux voir dans ma tête les oiseaux qui m'entourent. Lesquels oiseaux étaient les plus faciles à reconnaître au début? Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense que les plus faciles au début, c'est la pie, parce qu'on en a beaucoup souvent autour de chez nous. Vous savez, c'est cet oiseau qui ressemble un petit peu à un corbeau noir, mais blanc, avec des grandes plumes derrière. Voilà, et puis qui sont souvent par deux ou trois à faire des bêtises aussi. Hein. C'est des oiseaux assez malins. Alors, on va reconnaître facilement, je pense, le héron. Vous savez, ce grand oiseau qu'on voit souvent dans les plans d'eau, dans les mares. On va reconnaître facilement peut-être... Alors, le problème, c'est que les plus faciles à reconnaître ne sont pas toujours les plus faciles à voir. Mais si on a la chance de revoir une chouette, on va la reconnaître tout de suite. Et moi, mon oiseau, un de mes préférés aussi, c'est la buse variable. Et c'est cet oiseau que vous verrez peut-être des fois voler, surtout au-dessus des champs. Un oiseau qui paraît assez grand et qui a des ailes blanches en dessous et qui est marron sur le dessus. C'est un oiseau magnifique, qui ne chante pas, mais qu'on entend souvent aussi faire des bruits. Voilà, c'est plutôt agréable. Tiens. Les oiseaux, je pense, les plus faciles à reconnaître au début. Tiens, il a dit quelque chose d'intéressant, JB, on a entendu parler de ça. Les oiseaux, ils font pas que chanter, ils crient aussi. Oui. Ouais. C'est pour dire attention. Ouais, bah demande-lui ce qu'il en pense, lui, si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah bah, alors, c'est très intéressant comme question. Alors, c'est pas là que je suis le meilleur, mais si je peux vous éclairer un petit peu, ou au moins vous expliquer comment moi je vois les choses. Alors, en effet, les oiseaux, ils peuvent faire plusieurs choses, notamment comme chant, on va dire qu'ils peuvent par exemple piailler, cancaner, rouler, gazouiller, enfin voilà, tout un tas de choses. Et en effet, ils ont des fois ces petits cris qu'on va entendre beaucoup, notamment chez ceux qu'on appelle les rapaces, qui vont protéger leur territoire, par exemple le champ ou l'endroit de la forêt où ils habitent, notamment le faucon cresserelle, qui est assez connu pour ça. D'ailleurs, si on l'appelle faucon cresserelle, ça vient du bruit très aigu qu'il peut faire. Et voilà, on les entend crier comme ça des fois en forêt. Et ça leur permet de montrer que le territoire appartient déjà à un oiseau et que les autres n'ont pas intérêt de s'approcher. Et alors, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais il n'y a pas longtemps, je me promenais justement en forêt. Et en sortant à la lisière de la forêt, à la sortie, au bord d'un champ, j'ai vu justement une buse variable assez forte qui était en train de se plaindre. Alors, j'ai levé la tête et j'ai trouvé ça exceptionnel parce qu'elle était en train de sans doute vouloir trop s'approcher d'un territoire qui appartenait à un couple de faucons cresserelles. Et je les ai vus essayer justement de défendre ce territoire, alors que ces petits faucons-là sont beaucoup plus petits que la buse. Et voilà, ça donnait il y avait beaucoup de bruit et les images étaient impressionnantes. Donc comme ça, quand on les entend et qu'on lève la tête vers le ciel, on voit des fois des choses assez chouettes avec les oiseaux. Mais oui, donc on peut dire qu'ils ont des fois des cris comme ça, plus que des chants, en effet. Il s'y connaît, JB, hein. Ouais. Et demande-lui ce qu'il voulait nous dire, parce qu'il avait plein de choses à nous dire aussi qu'il avait préparé. Alors demande-lui. Tu voulais nous dire quoi, JB? Écoutez, moi, ce que je voulais vous dire, déjà, merci beaucoup de m'avoir appelé pour échanger avec vous, parce que ça me fait du bien. Je vous écoute quasiment tous les jours, même si j'en ai peut-être raté un ou deux. Mais voilà, déjà, je voulais vous remercier, parce que vos podcasts, ils sont super. Ça fait vraiment passer le confinement d'une manière encore plus sympathique. Et voilà, sur les oiseaux, qu'est-ce que je pourrais vous dire? En ce moment, il faut penser aussi à les protéger. Parce que j'ai vu, alors il y a en France quelque chose qu'on appelle la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, et donc qui tous les ans compte les oiseaux en France et qui met des choses en place pour les protéger. Et donc là, il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il n'y a pas des gens qui font des fois des bêtises. Et donc il faut penser justement à ne pas trop tailler ces haies, et surtout, j'en profite si des gens nous écoutent, il faut arrêter de les nourrir en ce moment, puisque le printemps est arrivé, et si on continue de leur donner à manger, on fragilise les petits oiseaux qui ont l'habitude d'aller chercher leur nourriture par eux-mêmes. Et voilà. Et puis pour les gens, par exemple, qui ont des chiens ou des chats, on peut penser à les peigner et à garder les poils pour les oiseaux. Ça permet de... Alors on leur met dans le jardin, ils viennent les chercher, ils peuvent faire leur nid avec tout ça. Voilà, il y a plein d'idées. Et au fait, le monde des oiseaux, voilà, on peut vraiment prendre du plaisir à les observer, à leur construire des choses et à en apprendre tous les jours. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté sur les oiseaux. C'est un vrai passionné, JB. Ouais. Il connaît plein de choses et c'est important ce qu'il a dit. T'as vu, nourrir les oiseaux, c'est pas toujours une bonne idée. Donc il faut que. En effet, c'est une meilleure idée en hiver quand les réserves de nourriture sont plus dures à trouver pour eux. Et il y a un moment où il faut mieux les arrêter là quand on arrive au printemps. Et nous, on a plein de poils de chiens en ce moment pour faire des nids pour les oiseaux. Mmh. On va leur laisser les poils d'Amarok? Bah ouais. Bah ouais. Ça va être super pour eux. Vous êtes du bon poil, le poil d'Amarok. Est-ce que vous avez encore une question à poser à JB? Attends. Non. JB, toi, oui, t'es un vrai passionné d'oiseaux. Ah bah, merci, oui, c'est vrai que je les aime bien en fait. J'aime tous les animaux en général, mais particulièrement les oiseaux, oui. Déjà, je veux vraiment remercier Lou et puis Ellie de m'avoir proposé des questions très simples comme ça. Et puis toi pour l'invitation. Donc voilà, merci à vous trois. Et puis merci encore pour ce que vous faites tous les jours depuis le début du confinement. C'est nous qui te remercions parce que comme on vient de changer de thème pour le podcast Histoire de pas tourner en rond, tu vois, c'est une vraie bonne expérience que de commencer avec toi sur les oiseaux parce que on sent que c'est un truc qui te botte et ça va se ressentir dans le podcast. J'espère, mais je suis pas sûr d'avoir toujours été bien clair. J'espère ne pas avoir dit sonnerie en tout cas. Nous, on n'en a pas entendu. Salut, JB. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ce podcast. Merci à vous, les loutous, de m'avoir invité. Et puis, j'espère pouvoir continuer de vous écouter. Et bravo pour tout ce que vous faites. Salut, JB. Salut. Il assure, JB. Ouais, il s'y connaît. Ouais. C'est pas mal tout ce qu'il vous a appris là. Hein. Oui. Ouais. Quand le confinement sera terminé, il faudra qu'on aille faire quelques balades avec lui. Oui. Parce que dans la nature, il doit pouvoir nous en montrer quelques-uns, oui, des oiseaux. Et si il veut les voir de plus près, il a des jumelles, et il peut les regarder de plus près. Ou il pourra venir dans notre abri. Ouais. Une fois qu'on l'aura construit. Oui, et après le confinement, bien sûr. Aussi, évidemment. Et alors, il fait partie d'un club ? Oui. Oui, la LPO. Ça veut dire quoi, la LPO ? Protection des oiseaux. La Ligue de Protection des Oiseaux. Ouais. Et il nous a donné quelques conseils pour protéger les oiseaux, pour aider les petits oiseaux. Qu'est-ce qu'il faut pas faire en ce moment ? Leur donner à manger. Pourquoi il faut pas leur donner à manger en ce moment ? Sinon, ils vont mourir. Eh oui, et pourquoi ils vont mourir ? Parce que quelle habitude ils vont perdre ? De voler de la nourriture dans les magasins ? Non. De voler dans les airs. Ouais, mais ils vont surtout perdre l'habitude de chercher eux-mêmes leur nourriture. Oui. Donc on les nourrit en hiver parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, mais en été on les laisse se débrouiller. Ouais. On peut leur mettre de l'eau. Mais pour leur faire plaisir, des fois on peut en mettre un tout petit peu. Ah ouais, un petit bout de chocolat pour faire plaisir aux oiseaux. Un petit peu de graines pour oiseaux. Ouais, alors il faut éviter. Par contre, on peut leur mettre de l'eau, parce que s'il fait très chaud, ils peuvent chercher de l'eau. Ouais, et s'ils ont pas d'eau, à un moment, ils vont crever de chaud et ils vont être morts. Et Stella qui regarde les oiseaux pour les manger. Oui. Qu'est-ce qu'on peut donner aux oiseaux de Stella ? Les croquettes. Non, pour faire leur nid, qu'est-ce qu'il a des dit, JB ? Des poils de chat. Des poils de chat ? Et alors, des chiens aussi. Et de chiens aussi. Alors, un Maroc qui perd ses poils en ce moment, là, on peut en donner. Hein. Ouais. Mais ça veut dire que le chat qui mange les oiseaux, les oiseaux, ils peuvent utiliser les poils du chat qui les mange pour faire un nid. Ouais. C'est bizarre, hein, quand même. Oh, c'est pas très bizarre. Bon, terminé pour aujourd'hui ? Oui. On refera un podcast quand on aura fait l'abri et qu'on aura observé un peu les oiseaux ? Oui. D'accord ? Oui. Alors, et combien vous comptez en connaître d'ici 15 jours des champs d'oiseaux ? 13. 13 ? Et toi ? 10. 10 ? Ouais, c'est raisonnable, 10. On va essayer, mais ça fait déjà beaucoup. Ouais. On dit au revoir tout le monde ? Au revoir tout le monde ! Au revoir tout le monde ! À bientôt ! À bientôt ! À bientôt !